Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Colette, 1907, je veux faire ce que je veux. Que peut donc faire Colette en découvrant que son mari, Willy, la trompe ? Qu'il a non seulement donné son nom au livre qu'elle a elle-même écrit, mais qu'il en a également en douce vendu les droits d'auteur. Et que donc, elle se retrouve maintenant sans le moindre sou. Mais à 32 ans, l'autrice des Claudines, gourmande de tout et peu portée sur le pathétique et la mélancolie, décide de s'inventer une nouvelle vie. Puisqu'elle doit travailler pour assurer son indépendance financière, elle se tourne vers le métier dont elle rêve depuis l'enfance, le théâtre. Le désir, la chimère et l'amour, la chair, rêve d'Égypte, souvent à moitié nue et jouant de ses yeux de chat, Colette enchaîne les spectacles de mime et à la ville comme sur scène affiche son nouvel amour, Missy, la scandaleuse marquise de Morny. Voilà une femme de lettres qui a mal tourné, murmurent les mauvaises langues. Mais Colette s'en moque. Je veux jouer la pantomime, confie-t-elle à Toby, son bulldog préféré. Je veux danser nue, je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids. Je veux faire ce que je veux. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Frédéric Maget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Société des Amis de Colette et directeur de la Maison de Colette et l'auteur d'un livre vraiment passionnant et richement illustré, Les 7 vies de Colette, paru chez Flammarion. Alors, la vie de Colette a été longue. Elle est née en 1873, morte en 1954, donc à 81 ans. Elle a traversé beaucoup d'événements, des guerres, des changements d'époque. Mais pourquoi dire qu'elle a vécu 7 vies ? Cette vie, c'est une référence au chat, bien sûr, et à la préférence que Colette accorda au chat parmi toutes les bêtes. Mais 7, c'est peu, en fait. Hein. Colette a eu des vies multiples. Le changement, la transformation, la métamorphose ont été pour elle des règles de vie. Donc 7, c'est un minimum pour pouvoir envisager les différentes éclosions auxquelles Colette a eu recours pour devenir Colette. Ah, aujourd'hui, quand on cherche le nom d'une grande écrivaine française, c'est ceux de Colette hein, ou de George Sand qui viennent d'abord à l'esprit. Alors, cette reconnaissance, Colette l'a connue de son vivant. Hein. Dans sa vieillesse, elle sera admise à l'Académie Goncourt, elle aura le prix Nobel, à sa mort, elle aura droit à des funérailles nationales. Mais très jeune aussi, elle a connu la notoriété, le succès pour la série des Claudines dans les années 1900. Mais c'est un succès en demi-teinte hein, pour elle, puisque ce n'est pas elle encore qui signe. Oui, ce n'est pas la notoriété ne lui vient pas avec les Claudines, puisque les Claudines à l'époque sont signées effectivement par Willy seul. Son mari. Alors bien sûr, Willy, son premier mari, tout le monde est habitué dans le milieu littéraire à le voir signer des livres qu'il n'a pas écrits. C'est même un principe. Il a créé des ateliers, il réunit autour de lui à la fois des musicologues, des érudits, de jeunes écrivains pour pouvoir produire des romans légers. Un peu polisson, et puis sa femme, donc Sidonie Colette, Gabrielle Colette, notre Colette, va très vite être enrôlée dans ses ateliers. Il va lui commander la série des Claudines, au départ un volume, Claudine à l'école, qui va être un formidable succès et qui va donner naissance à la tétralogie, donc aux 4 volumes des Claudines, le plus gros succès commercial de la Belle Époque. On estime que la vente des Claudines, l'ensemble des produits dérivés... Oui, aussi... il y a plein de produits dérivés, exactement, c'est incroyable, on les voit dans votre Claudine livre. Qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a des cure-dents, des cigarettes, des gâteaux, des cartes postales, des parfums, Claudine. Exactement, c'est l'inventeur du marketing contemporain, du produit dérivé. Il y aura aussi une pièce de théâtre, il y aura une opérette. Tout cela aurait rapporté à peu près 15 millions d'euros actuels donc à Willy, c'est énorme. Mais cet argent va vite filer, d'abord parce que Willy est très dépensier, aussi parce qu'il joue beaucoup et donc va perdre énormément d'argent. Donc cet argent va vite disparaître, mais va permettre en tout cas à Colette et Willy d'incarner au début du XXe siècle, un couple phare de la Belle Époque. Donc je dirais que la notoriété de Colette, c'est d'abord celle de l'épouse d'Henri Gauthier-Villars alias Willy, dont on dit, dont on murmure, et du personnage de Claudine, dont on murmure qu'effectivement ce personnage de Claudine lui ressemble quand même beaucoup. Mais Colette, à ce moment-là, ne rêvait pas du tout de devenir écrivain lorsqu'elle l'a épousé. C'est un peu par hasard qu'elle l'est devenue. Elle ne revendiquera finalement la propriété des Claudines que lorsqu'elle se rendra compte compte que Willy l'a dépossédé à jamais de ses droits, puisqu'il aura vendu les droits des Claudine aux éditeurs et qu'elle en aura donc perdu définitivement la propriété. Mais dans ses premières années, Colette est une jeune femme de son temps qui vit, qui s'amuse. C'est une jeunesse assez insouciante et assez joyeuse, même si il y a des côtés sombres, les infidélités de Willy, qu'elle découvre très très tôt, bien sûr. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que à partir de 1905, eh bien, le couple va se séparer et qu'elle va se retrouver à ce moment-là dépossédée de tout. Elle a quand même derrière elle aussi un atout important, Colette, c'est son enfance, ses parents qui lui ont donné une éducation assez exceptionnelle. Oui, Colette est une jeune femme de son temps, mais est une jeune femme qui n'a pas eu l'éducation de tout le monde, puisqu'elle a eu la chance de grandir auprès de deux parents tout à fait extraordinaires. Son père, le capitaine Colette, qui va expliquer peut-être sa vocation littéraire inavouée, mais surtout le personnage de Sido, cette mère qui a passé son enfance et sa jeunesse en Belgique, à Bruxelles, auprès de ses frères, qui étaient républicains, anticléricaux, des journalistes, proches des milieux d'avant-garde. Et Sido va véritablement donner à sa fille une éducation tout à fait hors norme, très libre, au contact de la nature, lui permettant d'avoir accès à des savoirs qui étaient généralement interdits aux petites jeunes filles de son temps. Donc la jeune femme qui arrive à Paris en 1893 n'est pas tout à fait une jeune femme de son temps. Frédéric Maget, on poursuit cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Colette, 1907, Je veux faire ce que je veux, de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant on emporte l'histoire, réalisation Pascal Deux. Où est-ce qu'elle est passée? Elle n'a pas pu quitter le théâtre. On se bat devant l'entrée des artistes et les agents n'arrivent pas à disperser cette foule d'enragés. Bande d'hypocrites. À faire les mijaurées pour un baiser entre deux femmes. Le Moulin Rouge en a vu d'autres. Je m'attendais à faire des vagues, mais là, qu'est-ce qu'on s'amuse au music hall. Ah là là, à la fin du numéro, je l'ai vu disparaître en coulisses, blanche comme le marbre. Ah, quel tintamarre! Moi, ça m'électrise. Oui. Je suis artiste de music hall et fière de l'être. Je ne me suis jamais sentie plus digne de moi-même. 3 janvier 1907, dans les coulisses du Moulin Rouge à Paris. Colette vient de sortir de scène. Elle a joué une pantomime d'une vingtaine de minutes, Rêve d'Égypte. L'intrigue est simple. Un égyptologue découvre une momie, en tombe amoureux et lui donne un baiser qui la fait revenir à la vie. Sauf que l'égyptologue est joué par Missy, de son vrai nom Mathilde de Morny, fille de la princesse Troubetskoy et du duc de Morny. Colette l'a rencontrée dans un cercle de jeu avenue Victor Hugo. Missy est une figure mondaine du Paris lesbien. Immensément riche, cheveux coupés en brosse, elle s'habille en homme, conduit une automobile et se passionne pour la mécanique. Colette est publiquement son amante depuis qu'elle s'est séparée de son époux, Willy Gauthier-Villard, 2 ans auparavant. Sans ressources, Colette a décidé de conquérir son indépendance en vivant du métier de mime. Mais en ce mois de janvier 1907, survient un événement à haut risque pour sa carrière au music hall. Le spectacle de ses amours saphiques déclenche un des plus grands scandales de la belle époque. Ah, bah t'es là. Missy, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Missy, mon velours chéri, te tracasse pas. Paris oublie vite. Avec toi, il n'y a jamais de raison de s'inquiéter. Ils ont fait du boucan, et alors? Tu vas voir, un scandale. Les journaux vont en parler, et on fera sale comble pendant 6 mois. C'est fini, Colette. Le préfet a interdit le spectacle et m'ordonne de ne plus jamais reparaître sur scène. Quoi? Bon, et zut alors, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais non, Colette, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un baiser d'amour entre deux femmes qui les a offusquées ce soir. C'est de voir sur les planches la nièce de Napoléon III. L'arrière-petite-fille d'Hortense de Beauharnais, une Bonaparte. Ma famille a fait pression sur le préfet pour interdire le spectacle. Et les armoiries de Demorny sur l'affiche n'ont rien arrangé. Oh, c'était pour la réclame. Sans mon accord. De quoi déchaîner mon frère contre moi. Oh, le type qui menait la bronca, c'était ton frère? Auguste, duc de Morny en titre. Il frappait si fort avec sa canne, j'ai bien cru qu'il allait crever le plancher. Il avait réservé la moitié de la salle et rameuté le Jockey Club. Oui, c'est lui qui criait à bas les gousses avec son rictus mauvais. Il me hait. Pourquoi ? Parce que je suis née sous l'apparence d'une femme et que je me veux homme. Tu es la seule à me prendre comme je suis. Viens dans mes bras. Ah, tu souris. Tu vois, il n'y a rien de grave. Rien qui ne s'arrangera. On ne sait pas comment, mais ça s'arrangera. Oui. Aucune peine n'est irrémédiable, sauf la mort. Dis, ça me revient. Georges Vague, tu sais, le mime, il m'a proposé de jouer dans son spectacle. Tu veux remonter en scène après? Moi, je veux jouer la pantomime. Je veux... Moi, je veux... Oh, Colette, ta joie de vivre. Allez, hop, on va à l'Olympe Bar. Georges y sera sûrement. Ah non, s'il te plaît, pas d'enfantillage, je ne suis pas d'humeur. Je rentre. Tu viens chez moi après? On verra. Tu me laisses seule dans un hôtel particulier pour aller dormir dans ton rez-de-chaussée insalubre je ne sais où. Rue de Villejuste, ça s'appelle. Tu veux reparler de ça? Oui, pourquoi pas. Je veux être libre. Mais Simon, si gentil, fais pas la tête. On est très bien comme ça. Allez, pas de chichi, viens avec moi. On se moque des hypocrites. J'ai envie de me saouler et de rire. Je sens que tu vas me dire insupportable enfant. Oh, enfant insupportable. Et comment? Mais si, un scandale au Moulin Rouge, ça vous pose là. Il faut se servir de tout ce bruit. Pour la vente de mon roman, quelle publicité ce sera! Je vais faire accélérer mon éditeur. Qu'il le sorte tout de suite. Ils vont se jeter dessus. C'est dans l'urgence, en effet, qu'un mois plus tard, l'éditeur fait paraître La retraite sentimentale, le premier livre dont le contrat est signé par son autrice seule, Colette Willy. Au musical, après l'interdiction de Rêve d'Égypte, elle crée le mimodrame La chair. Nouveau spectacle, nouveau scandale. Le mime Georges Vague, dans le rôle du mari trompé, farouche contrebandier de son état, surprend sa femme, jouée par Colette, en compagnie de son amant. Le bandit sort un couteau et dans le feu de l'action déchire la robe de sa femme, dénudant son sein. Colette a refusé de couvrir son corps du maillot couleur chair en usage au music hall. Le succès de la pièce ne se dément pas pendant 5 ans. Et ce 21 janvier 1911, La chair est à l'affiche de l'Étoile Palace, avenue de Wagram. Colette a 38 ans. Elle vient de publier La Vagabonde, un livre très remarqué. Mais ses romans ne lui procurent qu'un revenu d'appoint et depuis 5 ans, c'est grâce au music hall qu'elle gagne sa vie. Elle se maintient en forme par des exercices de gymnastique quotidien, mais la vie de tournée est harassante. Ce soir de janvier, dans la loge de l'Étoile Palace, elle se prépare pour la représentation. Je suis si fatiguée. Pour danser, il faut l'énergie du serpent qui s'enroule, du félin qui s'élance. Mais les trains, les hôtels, la dure vie du music hall, quoi. Cochon de métier, comme disent tous les artistes. Oui, mais en vrai, jamais on ne nous fera dire qu'on est malheureux. Pauvre Bastienne, laisser son petit dans un coin de la loge et lui donner le sein entre deux numéros, un pied sur la chaise, c'est dur. Eh bien, je parie qu'elle ne voudrait pas être ailleurs. Plus qu'une heure. Ah, mais je tremble. C'est le trac. Une pièce que j'ai jouée 100 fois pourtant. Quel métier étrange et merveilleux. C'est bizarre tout de même. Je ne me sens en sécurité que sous les feux de la rampe. T'es prête, Colette? Qu'est-ce que tu fiches à regarder le plafond? Je me disais aussi, il y a longtemps que Georges ne m'a pas balancé des paroles d'amour. Ça va être à nous plutôt que prévu. La chanteuse qui passe avant nous, tu sais, elle est pas là. Comment pas là? Elle est malade? Elle a fait la bombe, oui. Bah, tu trembles. On gèle ici. Bon, allons-y alors. Train accéléré. Dis donc, t'es pas allé de main morte sur le maquillage, un vrai bouquet fleuri. Pétunia violet, bégonia rouge et volubilis. Te moque pas, l'électricité, ça me fait le teint blême. Un coup de chance que tu sois venu en avance aujourd'hui. Pour toi, à t'écouter, on fera son fond de teint à 7h. Dis donc, le plancher tremble drôlement ce soir. C'est le numéro des danseurs russes. Ils mettent le paquet. Allez, ça va être à nous. L'affiche annonce un affolant mimodrame. Alors, ma gosse, on se décarcasse en prix. Et n'oublie pas, on met dans le mimodrame un peu de vie tragique et de beauté vraie. Le mime Georges Vague, un homme athlétique au regard expressif, est très populaire, notamment dans le rôle de Pierrot. C'est avec lui que Colette a appris l'art du mimodrame. Ce soir, l'Étoile Palace fait recette. Au parterre sont installés les commerçants en famille, les ouvriers et les modistes, tandis qu'au poulailler, les gavroches, lanceurs de blagues, font du tapage. Colette est maintenant de retour dans sa loge. Son miroir posé sur un tréteau couvert d'une nappe, elle se démaquille. Le public était bien. J'ai les paupières un peu froissées. Le coin de la bouche marqué d'un pli. 8 ans de mariage, 5 ans de musical, ça marque. Ah, revoilà Bastienne. À peine sortie de scène, elle court retrouver son petit. Mon cahier, il faut que je note son histoire. Je vais raconter la peine que les artistes se donnent, ce qu'il y a sous les paillettes, l'envers du musical. Merci Bastienne, grâce à toi je tiens ma chronique pour le matin. Où est-il ce sacré stylographe? Bah, je l'ai encore perdu. Le voilà. Oh, pardon. Il n'y a pas 5 minutes, t'étais sur scène et t'es déjà en train d'écrire, toi. Tu sais, pour donner un papier chaque semaine dans un journal, faut y penser tout le temps. Dis donc, le public était parfait ce soir. Ah, tu parles. Il y en avait un au poulailler, il arrêtait pas. Quand je suis entré en scène, il a crié « Allons bon, v'là l'autre !» Et quand tu as arraché ma robe, t'as entendu ?« Il va le lui faire, quelle canaille !» J'ai cru qu'on allait à l'émeute. Et t'as remarqué, ils prennent tous le parti des amants contre moi. Que ce soit à Genève, à Marseille, à Bruxelles, c'est partout pareil. Décidément, jouer le mari trompé, c'est pas drôle. T'es bien dans la lune, ma gosse. C'est ce radiateur. La chaleur me tourne le cœur. On répète lundi? Ah non, lundi, je donne des leçons. Aux femmes du monde qui n'ont rien à faire, j'apprends des choses qui ne servent à rien. Descendre un escalier sans regarder ses pieds. Se draper dans une écharpe de 6 mètres. Avec ça, si elles sont pas armées pour la vie, hein. Dis donc, l'Amérique du Sud, ça te dirait, toi? L'Amérique du Sud? Faut voir. C'est Salomon qui me tâte pour aller là-bas. Alors? Oh, les tourneurs. Ils promettent toujours monts et merveilles, au final. Et si ça se dessine, tu partirais? Tout de suite. Pourquoi je dirais non? Je sais ce que c'est que la vie. J'en ai vu des tournées foutues. Parce que monsieur veut garder l'œil sur madame et la retient par de méchantes disputes et des réconciliations à plus pouvoir se sortir du pieu. L'amour et le métier, ça va pas ensemble. Bon, bah t'as rien contre alors? Je ne suis plus mariée et pas prête d'empiler. Ça, c'est bien, ma gosse. Alors viens ce soir à l'Olympe Bar. Salomon y sera. Après, on ira dire bonsoir aux copains de la revue à l'Empire. Ce soir, je peux pas. Je reste dans mon chez-moi. Ton chez-toi? Première fois que je t'entends dire ce mot-là. Et pour qui? Pour moi, tiens. J'ai un article à porter au journal. Sinon, pour quelle raison? Je suis toute seule. Tu le veux bien, non? Ce soir, ils étaient tous là pour toi tellement t'es belle. Moi, demain, c'est relâche. Bon, bah, je vais tâcher d'attraper le tram. Oui, je le veux. Et puis quoi? Espérer une rencontre sur ma route de vagabonde? Il faudrait sortir, et la vie mondaine me dégoûte. Elle me rappelle mon ex-mari, ma cage dorée. Et puis avenue Marceau, avenue Hoche, il paraît qu'on m'appelle la femme de l'être qui a mal tourné. Non. Seulement voilà, il y a des jours où être seul vous rend saoul de liberté, et d'autres où ça vous jette la tête contre les murs. Faut pas que je traîne. Si j'arrive à déposer l'article demain, je suis championne. Un par semaine, c'est un lourd engagement. Est-ce que je vais y arriver? Ma mère a peut-être raison. Rien n'use les écrivains comme le journalisme. Et le théâtre, par-dessus le marché, n'en parlons pas. Pour moi, il n'y a pas un jour de relâche. Colette arrive à concilier le métier de pantomime et l'écriture de ses romans. De temps en temps, elle écrit aussi des critiques dramatiques pour La Vie parisienne, Vogue ou Paris Journal. Elle finit son papier tard dans la nuit et le lendemain, vers midi, elle pousse la porte du 6 boulevard Poissonnière où se trouve l'immeuble du journal Le Matin. Son directeur, Charles Auerwein, qu'elle a rencontré dans un restaurant de la Place Blanche il y a 2 mois, l'a engagée à l'essai pour écrire des chroniques sur le musical. Le Matin est un quotidien politique et d'information d'envergure nationale qui privilégie le reportage et met des photos à la une. Pour Colette, c'est l'opportunité d'une collaboration régulière. Mais son arrivée dans les colonnes du journal a suscité des réticences. Un rédacteur a même menacé de démissionner si cette saltimbanque entrait au Matin. Ce 22 janvier 1911, Colette emprunte l'ascenseur pour accéder au 7e étage, au bureau du directeur. Les miroirs d'ascenseur, c'est jamais à notre avantage. Ça va, j'ai eu la main légère au maquillage. Juste ce qu'il faut pour dissimuler le millésime. Il n'est pas là. C'est à Charles que je veux donner mon article. Les autres, je m'en méfie. Entrez. Henri de Jouvenel, rédacteur en chef. En quoi puis-je vous aider, madame ? Je cherche le directeur. Et vous êtes ? Excusez-moi, il faut que je réponde. Ah, monsieur le ministre. Vous connaissez ma position. Et au ministère, dans une heure. Très bien. Au revoir. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Le directeur n'est pas là. Nous n'avons pas été présentés. Colette Willy. Colette Willy. Savez-vous que j'ai lu votre dernier roman ? On en a beaucoup parlé. Comment s'appelle-t-il ? La Vagabonde. C'est ça. Quel dommage que vous ayez manqué le concours. Donc vous allez écrire pour le matin. En fait, j'écris déjà dans la rubrique Contes des Millers Matins depuis 2 mois. Et je voulais remettre... C'est donc vous. Le chapeau annonce une des meilleures femmes de lettres de notre temps, sans la nommer. C'était votre volonté de ne pas signer vos papiers ? Ça s'est fait comme ça. Que diriez-vous de tomber le masque ? Vous êtes une excellente signature pour le journal. Qu'en pensez-vous ? D'accord. Eh bien, votre article sortira vendredi prochain, signé Colette Willy. Bonne nouvelle ! Et pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai du noir sur le nez. Je suis désolé, on m'attend aux affaires étrangères, mais puis-je me permettre de vous inviter à prendre le thé ? Fils de préfet, le baron Henri de Jouvenel des Ursins a débuté dans la politique, notamment comme directeur de cabinet auprès du ministre du Commerce, dans un gouvernement issu du Bloc des Gauches. Héritier d'une grande famille conservatrice, Jouvenel, pourtant, est dreyfusard et radical socialiste. Appelé comme rédacteur en chef au matin, il défend l'idée d'une république forte qui s'appuierait sur les syndicats. Ses éditoriaux sont une tribune pour les idées progressistes. Sous sa conduite, le journal atteint un tirage d'1 million d'exemplaires. En fin d'après-midi, Colette retrouve Henri de Jouvenel. Ils prennent place dans la navette fluviale qui traverse le lac du Bois de Boulogne jusqu'au restaurant Le Chalet des Îles. Ce bel homme qui me sourit, que lui dirais-je s'il veut me serrer dans ses bras ? Le conquérir, le voir se lasser, me tromper, le quitter et retrouver cette solitude que j'ai connue ici même pour la première fois quand je me suis séparée de Willy. Mon premier appartement, juste là, rue de Villejuste. De ma vie, je n'avais jamais habité seule. La première nuit, j'oubliais la clé dans la serrure à l'extérieur. J'adorais cet endroit. Un abri à 1700 francs par an, frais l'été, chaud l'hiver, où j'avais encore l'espoir secret d'un bonheur qui serait enfin le mien. Non, je n'ai plus assez d'enthousiasme pour l'amour. Bon, tâchons au moins de le faire rire. L'humour est une forme du courage. Vous semblez bien loin. J'ai habité là après mon divorce, en bordure du bois. Un vieil immeuble. Il a été démoli. C'était un rez-de-chaussée. Le parquet gondolait. Je me souviens, quand j'en ai parlé au concierge, il m'a dit « Non, madame, il ne gondole pas. Il descend. » Et comme je m'effrayais, je lui ai demandé « Il descend ? Mais jusqu'où ? Madame, jusqu'où il plaira à Dieu ?» Voilà comment on se moque d'une femme qui vit seule. C'était il y a longtemps ? 5 ans. J'ai longtemps hésité avant de quitter mon mari. Contrairement à ce qu'on croit, un captif ne pense pas à s'évader. Ouvrez-lui la porte, la bête recule vers le fond de la cage. Votre mari, c'était Willy Gauthier-Villard, n'est-ce pas ? De triste réputation. Il a osé signer seul les Claudine, des livres que vous écriviez. Disons que très tôt, la vie m'a malmenée. Je n'ai pas eu d'autre choix que me laisser faire. Vous auriez pu refuser. On voit bien que vous n'étiez pas mariée à Monsieur Willy. Usurper le talent d'une femme, c'est abject. Rassurez-vous, il employait aussi des hommes. On appelait ça travailler aux ateliers. On abattait les chapitres, 4 romans par an. Et Willy veillait à la cadence. Vite, vite, il n'y a plus un sou dans la maison. Donc, vous m'avez invité pour me rappeler cette charmante époque. Je veux vous connaître. Je suis désolée si... Que vous dire ? J'avais 22 ans et l'instruction d'une fille qui n'a pas été plus loin que le cours complémentaire à Saint-Sauveur-en-Puisaye. J'ai écrit les Claudines sur un bout de table, une épaule de travers, dans un appartement bas de plafond. Willy passait juste me dire de bien pimenter mes confidences de petite fille. Un jour, il a lu mon cahier, décrété que c'était mauvais. Hop, dans le tiroir. Un an plus tard, il l'a relu, s'est dit « Quel crétin je fais !» et il l'a publié sur le champ. La suite... Un immense succès. Toutes les jeunes femmes se sont reconnues dans Claudine. Les publicistes ne s'y sont pas trompés. Et chacun y est allé de son parfum Claudine, son col Claudine, sa poudre de riz. Est-ce que je sais ? Vous oubliez les glaces Claudine de la pâtisserie rue La Boétie. C'est une récompense, oui, et un châtiment. Et vous, baron, pourquoi le journalisme ? Cela sied peu à un aristocrate. C'est précisément ce qui me plaît dans le journalisme. L'occasion quotidienne de gaspiller un peu de noblesse. Nous arrivons à quai. Je vais vous aider à descendre. Henri, je voudrais vous demander quelque chose. Nous ne parlerons plus de Claudine, voulez-vous ? Le souvenir de cette période éveille en moi une folle envie de vengeance. Ce qui rend Colette si amère, c'est qu'en 1911, si elle a enfin obtenu de la justice que son nom figure à côté de celui de Willy sur la couverture des Claudines, elle ne perçoit toujours aucun droit d'auteur. Les 4 volumes ont connu plus de 100 éditions, générant 163 000 francs, un bénéfice colossal comparé aux 1 000 francs mensuels d'un professeur de la Sorbonne. Mais il y a longtemps que Willy, à court d'argent, a vendu très cher la propriété des Claudines à un éditeur, à présent seule bénéficiaire des droits d'auteur. Quand elle l'a appris, Colette, furieuse, a écrit La Vagabonde, véritable réquisitoire contre le mariage, où elle dresse un portrait féroce de son ex-époux. Ce jour de janvier, à la terrasse du chalet des îles qui surplombe le lac, gris sous le ciel d'hiver, Colette frissonne un peu dans son manteau. Henri de Jouvenel, est-il digne de confiance, lui ? Élégance aristocratique, oui, vaguement distante. Une réputation de don Juan. Eh bien, je m'absente 5 minutes et on vous offre des fleurs. C'était un lecteur de Claudine. Il est très drôle, votre article. Le marinette, c'est le mari de la suffragette, l'infortunée que le destin accoupla à la batailleuse amazone, qui mouche les marmots et s'occupe du tournebroche. Le sort des femmes fait la une du matin, on dirait. C'est le cas presque chaque jour. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai lu quelque part que les suffragettes vous dégoûtent. Selon vous, elles ne méritent que le fouet ou le harem. J'ai dit ça, moi ? Quel culot. Pourtant, dans La Vagabonde, vous êtes très direct. Le mariage signifie, je vous cite, « soumettre l'amour à la loi patriarcale ». Je ne peux donc pas croire que le droit de vote pour les femmes vous laisse indifférente. Sérieusement. Pour les ouvrières du music hall, mal payées, et qui tournent toute l'année en jouant 3 rôles dans la même pièce tous les soirs, droit de vote ou pas, qu'est-ce que ça change ? Pourquoi faites-vous du music hall si c'est aussi dur ? Que voulez-vous que je fasse ? Née d'une famille sans fortune, je savais grimper aux arbres, siffler, courir les champs. Mais personne n'est venu me proposer une carrière d'écureuil. Une carrière d'écureuil ? Quelle ambition ! Oui, l'ambition folle de gagner ma vie par moi-même. Il faut y mettre un certain entêtement, je vous assure. Grâce au music hall, j'y suis arrivée. Je ne veux rien devoir à personne. Vous ne voulez rien d'autre ? Je veux faire ce que je veux. Colette n'échappe pas à cette effervescence qui, à la belle époque, voit l'apparition d'une femme nouvelle. Au music hall, si elle fait scandale, c'est qu'elle présente au public une femme dans toute sa liberté de mouvement. C'est l'époque où la couturière Madeleine Vionnet, créatrice de haute couture, supprime le corset de ses robes après avoir vu la danseuse Isadora Duncan se mouvoir librement sur scène, drapée de voiles légers. Colette pratique le mimodrame dans le même esprit, retrouver un geste naturel et simple, loin des conventions classiques. Et dans ses livres, c'est avec audace qu'elle défend une exigence très moderne, le droit des femmes au plaisir. Début 1911, Colette, qui voyait encore Missy de loin en loin, lui signifie que leur relation est définitivement brisée. Au printemps, elle devient la maîtresse d'Henri de Jouvenel. Ils habitent, dans le 16e arrondissement, un chalet de bois couvert de vignes vierges, entouré d'un jardin. Un an plus tard, 28 avril 1912, Colette, revenue la veille du Havre, d'une tournée du spectacle La Chaire, somnole sur une chaise longue. Ah, j'ai mal partout. Heureusement, la représentation s'est bien passée, même si l'orchestre n'en faisait qu'à sa tête. Quel bonheur ce jardin, ces arbres. Des églantiers, des noisetiers en plein Paris. Allô ? Allô ? Je n'entends pas. Ah, ce chien ! Allô ? Ce serait le paradis si on ne se disputait pas tout le temps. Il aura suffi de quoi ? Un an ? Oui, c'était l'été dernier. La tournée en Suisse, son télégramme. Arrive demain, ne peut vivre sans vous. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce un reproche ? Ou seulement j'arrive ? Et aujourd'hui, oh, ce téléphone. C'est cette maison avec terrasse et glycine. Elle a trop de charme. C'est un piège. Il est encore temps de rebrousser chemin. Bonjour, Henri. Je t'en prie, fais taire ta chienne. Le téléphone la rend nerveuse. Rassure-la. C'est le ton qui fait tout. Tu n'as qu'à dire bizi-pizi, bizi-pizi. C'est souverain. Tes chiens, tes chats, tes écureuils. Je travaille, moi. Moi aussi. Et à propos, je te remercie de t'en soucier. J'ai fait un triomphe hier soir au Havre. 4 rappels, si tu veux savoir. Bon alors, Henri. Qu'est-ce qu'on fait ? La vie commune est impossible, donc ? Non, non, pardon. Dès que je veux te parler, tu t'esquives. C'est ton truc. Passe-moi le mot. Je t'aime, moi. J'ai besoin de toi. Zut, il faut que je réponde. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? Cette fois, ils vont l'arrêter. Henri de Jouvenel vient d'apprendre que le célèbre bandit, Jules Bonneau, a été repéré à Choisy, dans la banlieue de Paris. Depuis des mois, la sûreté n'arrive pas à mettre la main sur les anarchistes de la bande à Bonneau. Ils sont en cavale après le braquage d'une succursale de la Société Générale et ridiculisent le gouvernement par leurs provocations. Ce 28 avril 1912, Jules Bonneau, retranché dans un garage, est cerné par la police. Le chef de la sûreté a appelé le renfort de la garde républicaine, mobilisé une mitrailleuse et fait boucler toutes les routes. Mais la traque va prendre un tour tragique. Colette, envoyée spéciale pour le matin, en est le témoin. Des journalistes étaient venus de toute la France. Une de ces foules. Tu m'aurais vu batailler comme une acheteuse de grands magasins un jour de solde pour me pousser au premier rang. Henri, tu m'écoutes ? Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé aller là-bas. Bah, au fond, c'est pas loin de ce que je faisais au Music Hall pour mes chroniques. Du reportage. Sauf que là, Bonneau était armé d'un Browning. Et tu viens de me dire qu'il sortait de temps en temps à la fenêtre pour tirer dans la foule, et toi, tu y étais dans la foule, au premier rang. Je voulais voir ce qui se passait. Voir de mes yeux. Contrairement à ce que tu crois, même pour écrire des romans, il ne suffit pas d'inventer. Il faut avoir vu. La vérité, Henri, tu comprends ? J'aime vraiment ça, le reportage. Tu crois que je pourrais faire grand reporter au matin ? Je ne te cache pas que ce sera complexe à faire accepter par la rédaction. Si ce n'était que par la rédaction. À un moment, quand j'ai vu tous les journalistes qui s'embusquaient près de la maison où Bonneau s'était retranché, j'ai décidé de les suivre. Mais un gendarme m'a dit « On ne passe pas !» Je lui ai répondu « Mais monsieur l'agent, ceux-là, vous les laissez bien passer ?»« Ceux-là, madame, c'est ces messieurs de la presse. Et même si vous seriez de la presse, tout ce qui porte une jupe doit rester ici, tranquille !» Alors j'ai plus bougé. Ça a duré des heures. Je ne comprends pas pourquoi le préfet a mis autant de temps à donner l'assaut. Il attendait les renforts. Tu sais, je regardais les portes du garage et je me disais « Là-dedans, il y a un homme qui se prépare à mourir. » Et puis la police a fait pousser une charrette avec un cheval vers le garage. Des policiers étaient cachés derrière et ils ont disparu dans le bâtiment. Et quelques minutes plus tard, boum ! Heureusement que tu étais resté à distance. Merci aux gendarmes. La dynamite, c'est une arme de guerre. Même loin, j'ai pris plein de poussière dans les yeux. De la maison en flammes, un agent a jeté un matelas par la fenêtre, tout trempé de sang. Un photographe mitraillait tout cela, froidement. Il y avait de la fumée partout. J'ai filé, train accéléré, comme dit Georges. Et puis... Tu es toute pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas comment je me suis retrouvée contre une voiture de police, le moteur en marche. Et puis des policiers m'ont bousculée, ils portaient... Oh. Ils ont ouvert le coffre et ont poussé à l'intérieur quelque chose de lourd, de long. Henri, c'était Bono. Cette chose inerte qui m'a bousculée au passage. C'est étrange. Après le grand reportage, Colette va s'essayer dans les mois qui suivent à la chronique judiciaire. Henri de Jouvenel, lui, multiplie les articles sur l'aéronautique et ses développements à usage militaire, domaine stratégique dans lequel les Allemands prédominent. Lors des vols d'essai en ballon dirigeable, en compagnie du ministre des Transports, un photographe a immortalisé l'image de Colette, souriante, manchon de fourrure et bonnet d'aviateur sur la tête. Entre deux photos sur le tarmac et une cour d'assises, celle qui est encore comédienne repart en tournée. Le 1er novembre 1912, Colette revient d'une série de représentations en Suisse avec Georges Vague. « Ah non, j'ai dormi quoi ? 3 heures ? Oh, dormir ! Georges, quel bon camarade ! 6 ans qu'on joue ensemble, je ne sais quasi rien de lui. Heureusement qu'il était là hier soir. J'allais m'étaler sur la scène, hop, j'ai senti son bras qui m'entourait pour retenir la chute. C'est là qu'il a compris. Je suis enceinte. Fini les départs en train à 5h du matin. Enfin la paresse. Entrez. Madame, petit déjeuner. Il y a quoi? J'ai une de ces faims. Du pain suisse et du miel comme vous aimez. Dites, il est bien mis le ruban dans mes cheveux? Approchez. Oh non, Georges, que t'es bête. En jupe tailleur. Le plus beau, c'est que j'ai cru. Il y a longtemps que j'avais pas joué les soubrettes. Mange. Le miel, j'adore. T'as congédié le personnel? C'est pour diminuer les frais généraux. Non, c'est pour ton petit, je l'aurais su plus tôt, mais tu dis rien. Tu fais une grossesse d'homme, tiens. Une grossesse de champion, tu veux dire? J'ai un ventre musclé comme un gymnaste. Je voulais te le dire avant, mais... Bah, te casse pas, j'ai compris. T'arrêtes le musical. Bon, t'accélères un peu? On va louper le train. Je vais la prendre, cette gosse. Qui ça? Tu sais, celle qui traînait à rien faire dans les loges. Je lui apprends le métier, mais il y a des jours, je me demande, elle comprend rien. Je sais pas pourquoi je m'esquinte avec elle. Un minimum de gestes, un maximum d'expression, c'est pas compliqué. Au pire, on la collera à la figuration. Une de plus ou de moins, ça lui fera toujours ses 40 sous. T'es un grand cœur, Georges. Et toi, t'en abuses. Il nous a encore collé un supplément pour tes bagages. La prochaine tournée, tu me laisseras... Georges, il y aura plus de tournée pour moi. J'arrive pas à m'y faire. T'es fini, tu crois? Écoute, j'ai 39 ans. Et dans un mois, tu t'appelles Madame la Baronne de Jouvenel des Ursins. Arrête de faire tes yeux en bout de l'auto, Georges. Tout le wagon se demande qui est ce fou. Un excellent exercice de physionomie. Quand j'aurai ma classe de pantomime au conservatoire, je le ferai répéter. Paris. Alors comme ça, c'est la dernière. Qu'est-ce que tu vas faire? Un enfant, des romans. Henri m'attend au taxi. Je passerai un de ces quatre à la Gaîté Rochechouart. Promis. Bonsoir, ma gosse. Oh, bon sang, si la compagnie a encore égaré la malle au costume. 6 boulevard Poissonnière, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Excuse-moi, il faut que je repasse au journal. Ma chérie, j'ai fait publier les bancs. On se marie le 19 décembre à 16h30, mairie du 16e. Dans 5 semaines. C'est parfait, mon chéri. Et Vague, tu lui as parlé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Tiens, donne-moi le journal. La guerre a commencé, en gros titre. La guerre est en Europe, oui. Jusqu'ici, l'Allemagne, la France et l'Angleterre s'affrontaient dans les colonies, mais pendant que tu étais en Suisse, la Turquie a attaqué dans les Balkans, la poudrière de l'Europe. Ma chère, je suis si heureux de te revoir. Il faut s'inquiéter, tu crois? L'Allemagne produit des mortiers géants, des avions de guerre modernes, des zeppelins, des gaz asphyxiants, des sous-marins. Tout est prêt pour la guerre. Tu disais qu'une conférence de paix s'organisait à Bâle? Une conférence contre la guerre. L'Europe est menacée, la Terre entière peut-être. Un conflit tel qu'elle n'en a jamais connu. Une guerre mondiale? Jaurès est très inquiet. À la conférence, il doit faire un discours sur le thème « guerre à la guerre ». Mais la gauche est divisée, ce qui affaiblit le parti de la paix. Si l'opinion publique ne pèse pas de tout son poids en faveur du désarmement en Europe... Donc, Vague n'a rien dit. Et toi, tu es triste ? Oui. Tu vas écrire un roman, non ? Tu ne veux pas en parler ? Dis-moi juste ton idée de base. Je n'ai jamais d'idée de base. Et pas de plan non plus. Comment ça ? Un bon roman peut se passer de plan ? C'est comme la danse. Il faut être libre. Écrire, c'est comme danser. Ouh, c'est très littéraire ce que je dis là. Non, c'est très beau. Nous voilà au journal, j'en ai pour une minute. Tu peux rentrer à la maison si tu veux. Non, je t'attends. Fini le music-hall. Mais c'est pas encore relâche. La vie parisienne m'a commandé un feuilleton. Et l'enfant est prévu début juillet. Est-ce que j'aurais fini à temps avant que l'enfant arrive ? L'enfant et le roman vont me courir dessus au premier arrivé. Ce feuilleton, j'en ferai mon prochain roman. J'y ai bien réfléchi cette nuit. L'entrave, un bon titre je crois, signé Colette. Colette tout court, ce sera ma nouvelle signature. Écrire, chercher le mot, le regard tourné vers la fenêtre. Écrire, et chaque matin à la naissance du jour se dire... Aujourd'hui, que vais-je oser ? Colette 1907, Je veux faire ce que je veux de Christine Spianti, avec Colette, Marion Malenfant, Henri de Jouvenel, Emmanuel Lemire, Georges Vague, Nicolas Chupin, Missy, Clémentine Verdier, et les voix de Tobias Nuiten, Yvette Caldas, Norbert Ferrer et Morgane Réal. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Pierre Henry, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, Autant n'importe l'histoire, on reprend dans quelques minutes la discussion sur Colette avec mon invité Frédéric Maget. Jeanne Haddad, Off My Back sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Nicolas Bove, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Adèle Caglar. Frédéric Maget, nous venons de partager avec Colette quelques années de sa vie, une de ses vies, une période charnière, est-ce qu'on peut dire que c'est ça, une renaissance pour elle ? Oui, à coup sûr. D'abord, c'est une période de liberté où Colette découvre les difficultés, mais aussi la joie d'être libre, la compagnie aussi des artistes du musical qui lui est cher, le sens du travail, mais aussi un début de gloire ou de reconnaissance littéraire, en tout cas, qui vient pour la première fois autour de son nom. Donc c'est vraiment une période charnière, c'est une période où Colette va se libérer du personnage de Claudine, trouver aussi sa propre place, s'émanciper, s'affirmer. Une période charnière aussi d'un point de vue amoureux, le personnage de Missy dans sa vie, l'arrivée d'Henri de Jouvenel, la naissance d'un enfant. Pour revenir sur le théâtre, c'est assez étonnant, dans votre livre on voit des images de ces spectacles de mime, de pantomime. Qu'est-ce que c'était exactement ces spectacles en fait ? Alors le mimodrame est un art qui est né au XIXe siècle, que le Georges Vague va réactualiser donc en ce début de XXe siècle, qui est un art donc muet, un art qui est dansé, où on va exprimer une histoire, des sentiments par le visage, mais aussi par le mouvement. Donc c'est quelque chose qui est entre ce qu'on imagine être le mime et la danse. Évidemment, pour Colette, c'est un choix qui s'impose. D'une part, parce que n'oublions pas qu'elle avait un accent bourguignon assez fort. Elle aurait sans doute beaucoup aimé jouer au théâtre, mais son accent, semble-t-il, était un vrai handicap à ce moment-là. Et elle bénéficie, vous l'avez rappelé, on s'était rappelé dans la fiction, d'une plastique qu'elle a travaillée en faisant de l'exercice aux agrès dans l'appartement qu'elle possédait avec Willy à partir de 1902 rue de Courcelles. Elle a préparé son corps, qui est un corps beau, désirable, et que Colette ne craint pas justement dans la perspective de son émancipation d'exposer sur scène, puisque là encore c'était rappelé dans la fiction, Colette va être une des premières à abandonner le maillot de couleur chair et montrer une peau nue sur scène, ce qui est évidemment tout à fait nouveau, scandaleux à l'époque, mais qui permet aussi à Colette de prendre conscience véritablement d'elle-même. « Moi, c'est mon corps qui pense », déclare-t-elle. Oui, c'est assez original aussi pour une femme de lettres. C'est une femme de lettres, mais c'est aussi une femme avec un corps. Elle dit une chose très moderne, « Écrire, c'est comme danser ». C'est beau ? Oui, le corps pour Colette est quelque chose d'important et d'une certaine façon, on peut considérer que Colette a réussi à transposer dans l'écriture, à partir de ses années, bien sûr, surtout dans les chefs-d'œuvre des années 20, cette corporalité, cette chair du monde, puisque l'écriture de Colette est une écriture incarnée où on ressent les choses. Colette disait que 500 c'était trop peu et dans son écriture, on sent bien cette capacité à appréhender le monde et les êtres à travers tous les sens, et le génie de Colette, c'est d'être capable de restituer ce monde en plusieurs dimensions à travers un travail très dur, très fastidieux sur l'écriture qu'elle apprend dans ces années-là. Je vous propose d'écouter Colette elle-même. Elle parle, elle a 77 ans, elle parle des spectacles de sa jeunesse. Comme j'ai employé mon activité, dirais-je, scénique pendant quelques années avec mon maître Georges Vague et ma camarade Christine Kerf, eh bien non, nous n'étions admis et engagés dans un spectacle de musical qu'en tant, dirais-je, que sketch. Eh bien oui, nous étions un sketch et pas autre chose qu'un sketch. Un sketch mimé dont je me plais à me flatter que nous n'étions ni l'un ni l'autre inférieurs à notre mission. D'accord, la pantomime, ce n'est pas rien, vous savez. Mais elle ne nous a pas mis assez, pas assez pour mon goût, en contact avec les grandes troupes de girls, de femmes nues ou très bien vêtues, et qui déferlaient sur la scène. Je me consolais comme je pouvais en allant assister aux dernières répétitions, celles qui durent jusqu'à 4 heures du matin, celles d'où revenaient ce défilé de femmes épuisées de travail et qui pourtant n'avaient pas d'autre moyen à ce moment-là de rentrer chez elles, mon Dieu, simplement à pied. Colette, interviewée donc en 1950 par André Parrino, on sent qu'elle a la nostalgie de ces spectacles. Elle parle avec tendresse aussi, et peut-être aussi un peu de désir, des femmes nues, des revues qui rentrent chez elle à 4-5 heures du matin. Elle aime les gens du spectacle. Oui, près d'un demi-siècle après, on entend très bien le regret, la nostalgie, la compassion, l'extrême sympathie qu'elle a eue pour ce petit peuple du musical. On peut même dire que dans toute l'œuvre de Colette, les seuls personnages qui sont préservés d'un certain pessimisme sur la nature humaine qu'on lit dans l'œuvre de Colette, ce sont les bêtes d'une part et les petits artistes du music hall. Et elle l'aura dit, elle dira elle-même au moment où elle a quitté ce monde-là qu'elle disait adieu aux meilleures années de sa vie. Et ça a été probablement le cas. Colette, elle a aussi un sacré culot, on peut le dire. On dit d'elle que c'est une femme de lettres qui a mal tourné. C'est une femme aussi tout court, qui, elle n'a pas peur de passer pour une femme pas respectable. Elle monte sur scène et puis en plus, elle s'affiche avec une femme avec laquelle elle a une relation amoureuse. Oui, cette fameuse Missy, marquise de Morny. Il faut se dire et se représenter le statut de Colette dans ces années-là. Colette est au banc de la société. C'est une femme bientôt divorcée, en tout cas qui vit séparée de son mari. Elle s'est lancée dans le music hall, ce qui à l'époque est à peu près équivalent à la prostitution. Elle gagne sa vie et effectivement, elle vit en plus à la ville comme à la scène avec une femme qui provoque le scandale à l'époque. Non seulement parce qu'elle a choisi de vivre ses amours féminines au grand jour, mais aussi parce qu'elle assume à l'époque une identité masculine, ce qui choque énormément à l'époque. Parce qu'il faut se souvenir qu'au début du siècle, il y a une certaine mode du saphisme à travers Pierre-Louis, René Vivien, Nathalie Barnet. Oui, dans certains milieux parisiens. Certains milieux parisiens. Mais ce sont des femmes qui ne transgressent pas les règles du genre. Là où Missy va au contraire les transgresser, là où Colette est tout à fait extraordinaire, on l'a entendu là encore dans la fiction, c'est son extrême liberté, c'est-à-dire je vis avec cette femme, je me produis sur scène, vous n'êtes pas content, eh bien c'est pas grave, je ferai ce que je veux. Colette va mourir en 1954 à l'âge de 81 ans. L'église lui refuse des funérailles religieuses. Qu'à cela ne tienne, elle a droit, rarissime pour une femme, à des obsèques nationales. Frédéric Maget, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu de livre de Colette, par quoi commencer ? Mais je dirais un peu égoïstement par le roman par lequel moi je l'ai découverte, La Vagabonde, le roman qui est cité dans la fiction, publié en 1910, c'est le premier grand chef-d'œuvre de Colette, par lequel elle est déjà repérée comme une des futures gloires montantes de la littérature française. On rappelait qu'elle avait été sélectionnée par le Goncourt. Donc je dirais La Vagabonde, je dirais aussi La Naissance du jour en 1928, un texte qui se passe à Saint-Tropez, où Colette, qui a déjà une cinquantaine d'années, se penche sur son passé, se retrouve le personnage de sa mère, se demande quelle femme elle peut être, quelle relation elle peut trouver par rapport aux hommes et cette vie amoureuse tumultueuse qu'elle a eue toute sa vie. C'est un livre qui est plein de sagesse, plein de poésie, plein de beauté, où le style de Colette s'exprime de façon magnifique. Merci beaucoup Frédéric Maget, je conseille vivement la lecture de votre livre, richement illustré, Les 7 vies de Colette, édité chez Flammarion, et bien sûr il faut aller voir la maison natale de Colette à Saint-Sauveur-du-Puisay. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site franceinter.fr. Vos remarques sont les bienvenues, ainsi que sur la page Facebook de l'émission.